Salut à tous et toutes, la tribu, bienvenue dans la 132e Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est Spike qui se débarque dans votre salon, c'est la 132e et c'est une spéciale Eli Promotion, label Eli Promotion. Donc on va entendre plein de choses, il y aura moins de live comme dont je fais d'habitude, mais il y aura que des bons groupes, il y aura du culte, il y aura du classique. On commencera tout de suite avec High Voltage de AC/DC, c'est aussi le titre de leur premier album sorti le 30 avril 1976. Là je vais vous faire écouter la version australienne, on retrouve Rock'n'Roll Singer, The Jack et TNT. On écoutera ensuite Sweet Foot de Zed Band, c'est sur l'album No Loose Behavior, sorti le 11 mars 2017. On retrouve Into the Wild, No Loose Behavior. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes, ils sont chez Eli Promotion. On retrouvera ensuite Crave de Smokehead, c'est sur l'album From the Abyss, sorti le 21 avril 2017. On retrouve The Dakota Firehall, Black and White et Riviera. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera ensuite Spend My Money de Defibrillators. C'est sur l'album Electric Fist, sorti le 20 avril 2017. On retrouve Fame, Monster Girl et Chemical Gas. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Rocking Time de Burning Spear. C'est aussi le titre de son deuxième album sorti en 1974. On retrouve Call On You, Sweaty Dead et This Race. We'll be right back.

so keep running. You know this is not a place for you. Should be doing your luggage, cause you will be thrown back to you. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. I'm yourself, my brother, fret not. Worry not yourself, my sisters. Suck up, let's a rock and time. Let's rock and time. Let's rock and time. Oh, keep on rocking time. Oh, one young, one young, one young. One young, one young, one young, one young. One yo, one yo, one yo, one yo, one yo, one yo, one yo, one yo, one yo, one yo, one yo, one yo, one yo, one yo, one yo, one yo. You rock, you rock, you rock, you rock. You rock. Let the tip it off your finger. Sound your kettle sound loud and clear. All of ears will hear. All of eyes will see the coming of the monster. His majesty. His majesty. So come, let's rock. So come, let's rock. You rock and time. A wayo, wayo, wayo. Wayo, wayo, wayo, wayo. Wayo, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo. Wayo, wayo, wayo, wayo. Rock, rock, rock, rock. You rock, you rock, you rock, you rock. You rock, you rock, you rock, you rock. Let's rock in time. Take your time. Move your line. Let's rock. Time. Let's rock in time. Oh, keep on rocking time. Oh, one young, one young, one young. One young, one young, one young, one young. One young, one young, one young, one young, one young. One young, one young, one young, one young, one young. A rock, a rock, a rock. You rock, you rock, you rock, you rock. You rock, you rock, you rock, you rock. Rastafari. Vous êtes toujours dans la 132e Vampire Freak spéciale Elite Promotion et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter High Voltage de AC/DC, Sweet Food de Z-Band, Crave de Smokehead, Spend My Money de The Defibrillators et on a fini ce bloc en live avec Rocking Time de Burning Spears. On écoutera ensuite I'm a Gambler de One Last Shot, c'est sur l'album Even Cowboys Have Sunday, sorti le 22 avril 2017. On retrouve Join the Club, Live Fast, Die Young et I Feel Alright. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Crossroads de Hypnotic Drive, c'est sur l'album Full Throttle, sorti le 14 juin 2017. On retrouve Five Regrets, Voodoo Witch et Dark and White. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On trouvera une nouveauté avec Helios et le titre Messentiel, c'est une nouveauté, c'est sur l'album Reconnexion, leur troisième album qui sortira le 27 septembre 2018. On retrouve Un Autre Été, Folle Alliée et La Veuve Noire. On la retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Forceno de Migazo, c'est sur l'album Mechanica, sorti le 27 octobre 2017. On retrouve Assassino, Okida Pantera et Letardia. On le retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc avec Man on Mission, le nouveau Deadline. C'est sur l'album Nothing Beside Remains, sorti le 16 avril 2018. On retrouve Devils in the Details, Flytrap et Last Shot. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. We'll be right back. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Completamente devastado, me retorno a casa. Colpito en pie. porta della camera e trovo lei a letto con un altro. Che cazzo! Prendo la mia pistola che mio bisnonno mi regalò. Sparo, non la sparo, te che li sparo, o forse no. Sì. Vous êtes toujours dans la 132e Vampire Afrique spéciale Elite Promotion et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter I'm a Gambler de One Last Shot, Crossroads de Hypnotic Drive, Mais Essentiel, le nouveau Helios, Forzeno de Migazo. On a écouté ensuite Man on the Mission, le nouveau Deadline. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Speed Hammer, le nouveau Antagonisme. C'est sur l'album Trash Apocalypse, leur premier EP 6 titres, sorti le 1er mars 2018. On retrouve Lot, Surgical Strike et Burning in Sia 49.3, Speed Hammer et Point of No Return. On écoutera ensuite À l'envers de ma raison, le nouveau Atala Neme. C'est sur l'album Anthropophagie, sorti le 18 mai 2018. On retrouve À l'envers de ma raison, Mise en Trompie et En voir 40 ans notamment. L'album vient d'être réédité puisque il fait partie de ces grands chanceux qui ont épuisé leur stock de leur première réédition de CD. Chapeau à toi l'ami. Et donc on te retrouve sur Facebook, SoundCloud, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Good Night de Scores. C'est sur l'album The Gate to Live, sorti le 19 novembre 2016. On retrouve Good Night, Leave Me Now, What About Dream et That's the Girl. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Love on Top de Alton Ellis. C'est sur l'album Alton Ellis Selected Reggae, aussi un petit best-of, sorti le 17 novembre 2017. On retrouve You Make Me So, Breaking Up, I'm Still in Love. Et on finira ce bloc avec Hellraiser de Wizo. Le groupe est en stand-by, j'ai pas mieux d'infos. Et on continuera avec l'interview de Elodie, la directrice d'Eli Promotion, qui nous parlera de son label. arpenter les rues, les pavés, user les trottoirs de tous les côtés, égarés dans des métros, des rues, des avenues, surtout des bistrots, croiser des chats noirs, éviter les pianos, ceux qui bien jetés cassent le dos perdu. C'est l'abattoir, tant pis, je rentre pas ce soir. Il paraît que tout tourne rond. À l'envers, ma raison. Il paraît que tout tourne rond. Une histoire banale, simple à raconter. Il paraît que c'est normal. On a tous à cracher, cafard au mur, araignée au plafond. Des involtures d'un grand fanfare ont une vie tragique, comique à la fois. Regarde ta gueule dans la glace, mon gars, il est beau le musicien. Grand le héros, poitré comme un chien sur son stylo. Il paraît que tout tourne rond. À l'envers, ma raison. Il paraît que tout tourne rond. À l'envers, ma raison. Il paraît que tout tourne rond. À l'envers, ma raison. Il paraît que tout tourne rond. Arpenter les rues, les pavés, user les trottoirs de tous les côtés, égarés dans des métros, des rues, des avenues, des boulevards, mais surtout des bistrots, croiser des chats noirs, éviter des pianos, ceux qui bien jetés cassent le dos perdu, c'est l'abattoir, tant pis. À l'envers, ma raison, il paraît que tout tourne rond. À l'envers, ma raison. Il paraît que tout tourne rond. À l'envers, ma raison. Il paraît que tout tourne rond. Et à l'envers, ma raison. Il paraît que tout tourne. À l'envers, ma raison. Il paraît que tout tourne rond. Et à l'envers, ma raison. Il paraît que tout tourne rond. À l'envers, ma raison. Il paraît que tout tourne rond. À l'envers, ma raison, il paraît que tout tourne rond. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. I rushed into the wrong place. Alors avec nous, nous avons Élodie, la directrice de Élie Promotion. Alors Élodie, ça va ? Salut, bonjour tout le monde, ouais, ça va et toi ? Moi ça va. Je suis très content de faire cette spéciale Élie, parce qu'on l'a raté de peu la saison dernière et ça m'a embêté tout l'été. Oh, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, tout va bien. Donc, où est basé le label ? Eh bien écoute, aussi étonnant que ça puisse paraître, Élie Promotion est basée chez moi dans le 95, parce qu'en fait on n'a pas vraiment d'endroit à nous, parce qu'on se déplace beaucoup. Mais depuis peu, là on a intégré des bureaux à République, donc dans Paris. On en est super content, mais bon, quand même, on se déplace encore en province pour aller voir les groupes, pour aller faire des festivals et plein de choses. Du coup, on n'a pas vraiment d'endroit à nous. Et donc, depuis quand existe le label Élie Promotion ? J'ai créé Élie Promotion en 2014 à la suite de mes études. C'est une histoire un peu fun parce qu'en fait, quand j'ai terminé mes études, on m'a dit que j'étais trop jeune pour travailler, que je pouvais encore être stagiaire, mais en fait j'avais terminé, donc c'était un peu la loose. Et au final, deux groupes indépendants, Wido et Frantic Machine, m'ont demandé si je pouvais m'occuper d'eux. Suivi de très près par Blading War Machine, le groupe de Frankie Costanza et Isaacar. Et depuis, en fait, on ne s'est pas arrêté. Eh bien, c'est excellent. J'ai toujours eu des nouveaux groupes, toujours eu des nouveaux projets, et donc maintenant, ça fait 4 ans. Bien. Et donc, du coup, combien y a-t-il de groupes maintenant dans le label ? Bah, écoute, je crois qu'on est à peu près une vingtaine. Je t'avoue que je ne compte pas, parce qu'il y a des groupes qui partent, des groupes qui reviennent, des groupes dont on sort le troisième album en 2019. Donc, je compte pas vraiment, mais je pense qu'on est à peu près une vingtaine. Ah, ben, bah, c'est déjà un gros truc, hein. C'est pas... bien sûr. Ouais, c'est pas un petit bateau là, c'est un gros truc là. Et donc du coup, il y a des prochains albums là qui vont sortir ou des trucs qui sont sortis dernièrement ? Bah écoute, ouais, là en ce moment on est en pleine période de promo, on a sorti 3 clips là début septembre, Monolith, Beat Ride Again, Ilium Essentiel et Divide Itself. Under the Gaze of Christ. Et donc là, les albums qui arrivent, tu auras le 25 et le 27 septembre Monolith, du coup Bitter and a Brand New World et Illuse, avec son album Reconnexion. On l'a pas encore annoncé, mais je les ai reçus hier, donc du coup je peux te dire en avance, mi-octobre, mais la limite sera en fin novembre, on aura un petit EP d'un groupe qui s'appelle Frioling, qui vient de l'Oise. Ça va déboîter. Ah, justement, comment on l'intègre ce label ? Eh bien écoute, on est en train de changer les choses un petit peu de ce côté-là. Avant, c'était tout simple, il suffisait de me contacter et puis j'écoutais le son avec Alicia, mon assistante, et puis on se disait on aime ou on n'aime pas, et ensuite on validait. Et en fait, en 2017, on a eu pas mal de surprises avec des gens dont on aimait la musique, mais où en fait, travailler avec eux, c'était une horreur. Du coup, on a un peu corsé le truc. Donc maintenant, il faut à la fois qu'on aime la musique, mais aussi que le groupe prenne le temps de nous rencontrer. Mmh. Que ce soit par téléphone ou en réel, tu vois, qu'on aille se voir et boire un café. Et idéalement, il va y avoir aussi un nouveau système là, qu'on est en train de mettre en place petit à petit. Les groupes auront des réductions s'ils sont parrainés par un ancien groupe d'Élie Promotion. Ah, c'est excellent ça. Et ouais, justement, comment on joint le label ? Bah écoute, on a un site internet, eliepromotion.com. On a aussi une page Facebook, donc Élie Promotion. Et autrement, tu peux toujours me contacter par mail, elodie@eliepromotion.fr. Élie Promotion avec deux L. En fait, ça va. Pour l'instant, les gens nous trouvent relativement facilement sur internet. Donc ça va. Ah, ça c'est des bonnes nouvelles parce que des petits groupes, il y en a plein partout. Je vois rien que sur ma région, j'en connais quelques-uns, je connais au moins 10 groupes qui demanderaient qu'une seule chose, c'est un petit label, faire quelque chose un peu plus régional, même dirais départemental. Et c'est vrai que nous, bon, c'est vrai que je suis au fin fond de l'Auvergne, et c'est vrai qu'on manque beaucoup de structures chez nous. Et justement, il a évolué il n'y a pas longtemps ce label. Il s'est passé tellement de choses cet été, c'était incroyable. Déjà là sur tu vas assurer les promotions, j'en suis très fière parce que ça faisait déjà 3 ans que j'attendais ça, mais ça y est, on a signé la distribution magasin avec Season of Mist. Ce qui fait que du coup, là, nos deux prochains albums, celui d'Elio et celui de Monolith, seront en vente en magasin. C'était une demande très très forte de la part de nos groupes d'être chez Season en plus, donc pas chez un distributeur en particulier. Donc je remercie beaucoup David pour sa confiance parce que ça y est, c'est bon. Les premiers CD de Deddy Promotion seront en magasin du coup début octobre. Là, qu'est-ce qui s'est pas passé d'autre très récemment? En ce qui me concerne, moi, donc en dehors de Deddy Promotion, j'ai intégré un autre label, Juste une Trace. Pareil, dont je suis vraiment super contente, même si ils font des prods un peu différentes des miennes, c'est peut-être moins metal extrême et un peu plus rock'n'roll et blues. Mais voilà, du coup, on va prendre un peu moins de groupes sur Elite Promotion à partir de maintenant pour avoir plus de temps par projet et aussi pour accueillir les nouveaux projets de Juste une Trace. Mais il y a du très bon, hein. J'ai vu, il y a Deadline, il y a One Last Shot, c'est des groupes excellents ouais. Tous. Hein. C'est, on a Deadline, on a One Last Shot. One Last Shot est en stand-by là parce que le chanteur a trouvé du travail en Thaïlande pendant 2 ans, du coup il revient après. Mais voilà, donc non, ce que j'aime beaucoup sur Eddie Promotion, c'est que, en fait, si tu veux, nos artistes ne vivent pas de la musique, et du coup, il leur arrive toujours des trucs incroyables. Ils ont des postes complètement différents les uns des autres. T'en as qui sont chômeurs à côté, mais t'en as d'autres qui sont cadres chez Air France. Donc, des fois, tu te retrouves face à des trucs genre, ah, vraiment, c'est improbable. Ah mais je sais ce que c'est parce que comme je te disais j'ai un petit projet à côté qui dure depuis quelques temps et je vois avec des je suis sur Bandcamp hein, pour pas faire de pub et c'est une mine d'or ces plateformes là hein. C'est merveilleux. Ah ouais. Tu peux trouver tout et n'importe quoi. En plus, Bandcamp a cet avantage d'être gratuit pour pas mal de choses. Et du coup, tu peux facilement vendre tes articles, vendre ta musique. Et vraiment, heureusement qu'il y a des sites comme Bandcamp, parce que sinon, ça serait beaucoup plus difficile pour tout le monde. Oh oui. Ben voilà, j'ai terminé mon questionnaire. Merci pour ce témoignage. Et franchement, si j'ai des nouvelles des groupes de chez moi, je me gênerai pas pour te donner leur contact, pour leur donner ton contact. Avec du moins. Grand plaisir. Je suis pas venu en Auvergne depuis plus de 10 ans, alors ça serait l'occasion de se croiser, ça pourrait être cool. Voilà. Ben écoute, merci. Merci Elodie pour cette super interview. On va continuer l'émission. On vient d'écouter Speed Hammer, le nouveau Antagonisme. À l'envers de ma raison, le nouveau Atalanemé. Good Night de The Scores. Love on Top de Alton Ellis. Et on a fini avec Hellraiser de Wizo. On continuera cette émission avec Chameleon de Hotel Room. C'est sur l'album Architect of Chaos, sorti le 9 janvier 2016. On retrouve No Perfect Flag, Book of Regrets et Architect of Chaos. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes. On écoutera ensuite Under the Gaze of Christ, le nouveau Divided Self. Le clip vient de sortir, l'album bientôt. On retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Daddy's Godman, le nouveau plomb. C'est sur l'album At Ease qui vient de sortir. On retrouve At Ease, Electric Sheep et 27. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Showtime de Scaramucci. C'est sur l'album Dancehall President, sorti le 13 mai 2016. On retrouve Number One, Not Turn It Up Loud et Mr. Walker. Et on finira ce bloc avec Big Fat Uppercut de Winger Overdose. C'est une nouveauté. C'est sur l'album New York Sous-Bois Rapcore Club, sorti le 14 février 2018. On retrouve New York Sous-Bois, Captain Keist et Rock'n'Rolla. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Place the day. All and pull up me boss DJ. Wind up your body, girl. That to me say. Wind and go down like you want broke it down. Broke to me hurt and broke to me drunk. Man, them see wanna wine and come. Everybody them a scream all this a pop. You can't be hot, girl, a blazing. Everybody out there gazing. Can't believe how you hot like fire blazing. Oh Lord, oh Lord. And me see them concentrate. Cyrus can't whine like you. Wind up your body, girl, enough get slow. Everybody scream for the dance when you do. Smile for your face, you a flop every crew. None of them may act like you. We come out just off the party. We come out just off the party. We come out just off the party. Me a go get hard work tonight. Party down to a private phone. Girl, come on, come sit down pan me gun. Let me fuck your heart till the morning come. Me love the way how you wine and go down. So what time for you walk? Wine and sit down. Do the tick tock, do the one drop. Wine and go down and then come up back. Cock out your back and do the back shot. And show off the wine where you got. Then take off the drawers and take off that ear. And show me all where you got. We come out as a free party. Galang me girl. Everybody feeling hot. C'est quoi ce peu gros qui porte un nom de carne? Pour qu'un bacap de pêche, c'est qui c'est pélo qui porte sous place? C'est quoi cette tête de bête qui se la joue genre on a la bouche en billet? C'est quoi ces phases? C'est quoi cette soulette? Ça paie comme une pute avec une ganache que même pas tu la touches avec un bout de bois. C'est quoi ces lopettes taillées comme des flûtes avec autant de cils qu'un bateau qui break en bougeant Dieu les bras? Ça dit que ça chiffle la top, à moins je vous porte des lèvres et ça croit que ça fout j'brûle, même pas au rêve. À coup dans le rectum, bitch. Et si tu veux briller, meuf, paye ton bête de fils. Sur fond de parole politiquement incorrect, et rien que tu m'écoutes et tu déjeunes une flaque, ça te changera des trous de poulettes. Quand je pèterai le trou de balle, soulette. Filmé Burner crash, poulette. Filmé Burner crash, poulette. Quand je pèterai le trou de balle, soulette. Filmé Burner crash, poulette. Ça te changera des trous de poulettes. Bref, tapis Géroukine, j't'invite à la maison. Passe à l'improviste, on fera les choristes, on fera des chansons. Et j't'apprendrai ce que c'est que le flow. Et pas qu'à brailler comme une gorette dans un micro. Filme mes burners crash, poulette. Quand j'te pèterai le trou de balle, soulette. Filme mes burners crash, poulette. Ça changera des trous de poulette. Sur le vent comme dans le fond. C'est pas qu'un punch dans ton pic, c'est un big fat uppercut. Pick up. On fait ton kiff, c'est pas que tes mains du black and blanc. Sur le vent comme dans le fond. C'est pas qu'un punch dans ton beat, c'est un big fat uppercut. Pick up. Tu kifferais qu'on te biffe l'homme un black and. Ça fait l'apologie de la fonce. Des sages ou les fiers à bras, ça joue les cramés de la caboche. Ça m'étonne que sa tartine a balé en prime que sa galoche. Ça se maquille sous les gueuses, ça fait des yo avec les wads. Ça l'ouvre grand sa bouche crade, c'est peu crédible la meilleuse. Ça joue les perchés sous crack, cramé sous le crâne à clash et tu t'écrases. Ça me fait la balèze de cigare au bord des lèvres. Ça croit que ça fout brûle, même pas au rêve. À coup dans le rectum, bitch. Et si tu veux briller, meuf, paye-toi ma bête de beat. Putain, ton sang dit peu potable. Trois coups de tapé, j'ai le gland qui crame. Tu kiffes pas la bidoche sous cellophane. Tu ralouves, t'en bouffes, envoie la madame. T'es plus face qu'un ton d'hippopotame. Trois coups de tapé, j'ai le gland qui crame. Tu kiffes pas la bidoche sous cellophane. Tu ralouves, t'en bouffes, envoie la madame. Sur le vent comme dans le fond. C'est pas qu'un punch dans ton beat, c'est un big fat uppercut. Ah, moi je les adore, The Wigger Overdose. Vous êtes toujours dans la 132e Vampire Freak spéciale Les Promotions et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Chameleon de Hotel Room, Under the Gaze of Christ, le nouveau Divided Self. On a eu ensuite Dead is Gone Mad, le nouveau Plomb. Et on a continué avec Showtime de Scaramucci et on a fini avec Big Fat Uppercut de Wigger Overdose. On continuera cette émission avec un groupe qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, qui s'appelle Océan et qui a fait un retour mitigé. On va écouter tout de suite l'album, enfin la chanson Je crois que tu aimes ça. C'est sur l'album C'est la fin, sorti en 2016. On retrouve La haine, Tu ne penses qu'à ta gueule et C'est ça la fin. C'est la fin, pardon. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. C'est les papis du heavy français. On écoutera ensuite Severed de Worselder. C'est sur l'album, Paradigm Lost, sorti le 25 mai 2017. On retrouve Seeds of Rebellion, My Consuming Greed et Idols. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une nouveauté, Betrayed Again, le nouveau Monolith. C'est sur l'album A Bitter End, A Brave New World qui vient de sortir. On retrouve The Ego Disaster, Inspired, Insipid and Shallow et Like a Poison. On le retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube, oui parce que le clip de Betrayed Again est sorti dernièrement, et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Get Out My Way de Wide Mighty Freaks, c'est sur l'album Guns, enfin leur EP Guns and Cookies, sorti le 24 février 2017. On retrouve de l'Iceman, Freaks et Jungle. Et on finira ce bloc avec Pop Them Bubble de Naman, c'est sur l'album Rays of Resistance, sorti le 30 octobre 2015. On retrouve Turn Me Loose, Karma et Hold On Steady. On le retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Quelques milliers d'années, tu voudrais pouvoir vivre longtemps, vivre en toute liberté, micro-procérisé. Tu voudrais pouvoir vivre toujours, ne plus compter les jours, jamais ne plus compter les heures, donner du temps au temps tout le temps. Ne plus compter les jours, jamais ne plus compter les heures, donner du temps au temps. Vivre autant de temps qu'Adam, tu voudrais pouvoir vivre content, souffler 300 bougies, nanotechnologie, au fin fond de la galaxie, la liberté, l'égalité, l'éternité à volonté encore. Je ne suis qu'humain, bien trop humain. Ça. Je crois que tu aimes ça. Tu voudrais pouvoir vivre sans douleur ni malheur. Tu voudrais pouvoir vivre heureux. Vivre au moins 2000 ans, puis garder toutes ses dents. Ne plus jamais penser au temps. Autant que ça, autant qu'il passe, autant qu'il nous dépasse. Avoir tout le temps pour oublier ses regrets, ses remords. Avoir humanity we once knew. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Keep living your life like TV sci-fi. Superman, you wanna be super bad, but you what I say? Do you wanna build a snowman? Pray, pray, pray, pray. God's gonna leave you anywhere so you can pray. The only thing she's gonna get from heaven is an hospital, cause the things know that you're already dead. Your doubt expires, so I'm gonna keep watching you like I'm blind. While my chief is gonna compare, while not he shit for 1 year. Come on, come on. Credit up here. You fail all day after day, like the biggest mistake of the decade. Get burned like cannons all day, hot like a sister in my room. Excuse my French, but I was getting dirty. The honey sounds come from my mouth was okay. Lay, lay, lay. One people want better people like a lay. Lay, yo, lyric to fifth. Digital, yes, I'm a serial test. Test you till you never felt rest. Beast you to the doom of my quest. While my team freaks gonna compare, while now they shit for more years. Come on. them say really. Them a look so silly. Some go say me crazy simply cause they not believe me. Guess what? Me not sorry, I fit my belly. I love life drizzy with a piece of pili pili. See them a wild, me see them a wild, me see them a wild for the bread. See them a come and they say that they can't never move till the king go dead. But life is for living, no matter what you say. Some a we a fly high, some of them a deep swim. Oh, oh, yes I mean a gun is done for you, me not go blow. Switching up my wings when the wind a blow. Picking up the fruits then before you and this alone. On vient de s'écouter, je crois que tu aimes ça, de Océan, Severed de Worshelder, Be Tried Again, le nouveau Monolith. Allez sur la page Facebook de Monolith, sur partout où vous pouvez les trouver, ils sont excellents. On a eu ensuite Get Out My Way de Wild Mighty Things, et on a fini ce bloc avec Pop Them Bubble de Naman. 732e Vapeur Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Merci à Ellie pour son super témoignage et son envie de faire découvrir des groupes. Merci d'avoir suivi cette émission. On finira avec Je veux savoir pourquoi en live des Shérifs. Bah oui, il faut bien qu'il y ait un peu de live quand même. C'est sur l'album Le Grand, Le Maigre, Le Petit et Le Gros, sorti en 1989. On retrouve Pandonlé, Haut et Court, Ça sert à rien et la saga des Shérifs. À la semaine prochaine, laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de la mission. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vapeur Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu!